Micro quand on ouvert. N'a pas de solution médicale Antonio à une crise, Cassilli, on sociologue sur des solutions qui sont technologiques et qui sont en l'occurrence extrêmement problématiques du point de vue légal. On a assisté déjà depuis le début de la crise sanitaire à des épisodes qui sont extrêmement graves. La crise du Covid est présentée finalement comme une occasion de numériser à outrance une énorme quantité d'activités humaines. Il y a même une blague qui circule depuis le début de la crise sur Internet qui consiste à dire que pour certaines entreprises, les responsables de la transformation numérique n'ont pas été autant efficaces que le virus. La question de la, du traçage et de la collecte des données est une question qui est beaucoup plus ancienne que la crise sanitaire, mais ce qu'elle fait la crise sanitaire, c'est de nous mettre finalement en situation de ne pas pouvoir échapper à cette collecte. La marche forcée vers la numérisation depuis le début de la crise sanitaire nous expose aussi à des formes de surveillance et de traçage nouvelles et qui étaient déjà présentes, soyons clairs, hein, mais qui deviennent généralisées et qui en plus concernent tout le monde. Même des personnes qui normalement n'auraient pas dû être concernés par cette surveillance, par exemple les enfants, sont surveillés dans le contexte de leurs cours d'école distancielle. Les employés des entreprises qui télétravaillent sont désormais de plus en plus surveillés. On se retrouve face à des employeurs ou des donneurs d'ordre qui commencent à se doter de systèmes de traçage, des systèmes de, par exemple, de prise d'écran pour vérifier, contrôler en temps réel ce que font leurs salariés. À cela s'ajoute aussi des formes de surveillance qui relève plutôt de la centralisation des données de la part de grandes entreprises. Les entreprises ont toujours pointé du doigt, c'est les GAFAM, donc les géants de la technologie américains. Et désormais, nous avons aussi des entreprises qui deviennent du jour au lendemain d'abord les solutions adorées par le grand public. Je pense à Zoom, par exemple. Zoom est une plateforme de visioconférence qui, du jour au lendemain, avec l'arrivée du coronavirus, a été adoptée par des dizaines de milliers, de millions de personnes. Or, le problème est que Zoom relève d'une situation explosive, même en termes de gestion des données. Elle a des problèmes importants de sécurité informatique, mais aussi des problèmes en termes de respect de la vie privée de leurs utilisateurs. C'est quelque chose d'extrêmement grave si en plus vous ajoutez à cela le fait que Zoom enregistre aussi les conversations. On écoute tout de suite là maintenant alors cette idée de demande de soutien pour ce non au traçage obligatoire dans les maisons de jeunes. C'était en juillet, c'était dans le courant du mois de juillet, qu'il y avait cette demande de soutien. Et puis, depuis, ça a changé. Et c'était plutôt positif. Voilà, je commençais le micro ouvert par la fin, en fait, hein, puisqu'il y a le mois d'août qui est passé. Puis là, on est déjà mi-septembre. Et donc, les maisons de jeunes ont gagné, se sont confrontées au gouvernement, se sont mis ensemble et ont gagné au fait de dire non au traçage obligatoire dans les maisons de jeunes. J'ai commencé à l'envers parce que je demandais à Isabelle, que vous allez entendre, de donner suite évidemment à ce qui se passe. Et voilà, la suite elle est maintenant. non au traçage obligatoire dans les maisons de jeunes. Ça a marché, ça a fonctionné. Est-ce qu'on peut au moins dire ton prénom ? Oui. Oui ? Tu le dis toi-même ? Isabelle. Isabelle. Bonjour Isabelle. On peut dire l'endroit où nous sommes ? Oui, absolument. On est chez elle. Ça s'appelle comme ça, chez elle. Oui. Mais qu'est-ce que c'est chez elle ? Alors, chez elle, donc ça s'écrit aussi chez, comme chez tout le monde. Et puis Zelle, Z-E-L-L-E. Et donc, chez elle, c'est une maison de jeunes qui est à Louvain-la-Neuve et elle existe depuis 26 ans maintenant, déjà. Voilà. Et c'est une maison de jeunes qui se trouve vraiment à côté de la gare de Louvain-la-Neuve, quoi. Hein ? C'est très chouette endroit, très lumineux comme ça. Il y a un, il y a un espace quoi. C'est pas des plein de petites pièces. Oui, en fait, il y a une grande pièce commune qui est polyvalente, qui sert de, entre autres, de lieu d'accueil, un petit salon, des jeux. Et puis, ça se transforme en salle de concert le soir. Il y a les week-ends en journée, des ateliers de danse, donc danse hip-hop, du break. Il y a des entraînements de break. Il y a des entraînements d'autodéfense féminine. Verbal et non-verbal. Y a toute une série de choses qui se vivent et qui s'organisent ici dans le lieu central. Et alors à côté, dans des petits coins, des petits locaux un petit peu plus cachés, il y a un local de sérigraphie où il y a moyen de faire de l'impression sérigraphique sur t-shirt, papier, stickers. On vient avec ses projets, on peut s'initier à la sérigraphie, puis quand on est autonome, on peut venir quand le local est disponible pour vraiment pratiquer, pour développer son art. À côté de ça, il y a aussi un local de répétition où il y a des instruments qui sont mis à disposition. Une batterie, des amplis, guitare, basse, un clavier. Donc là, c'est vraiment pour des groupes existants. Il y a aussi de la création qui se fait en atelier ouvert. Il y a un atelier de beatmaking, donc musique assistée par ordinateur. Bon, des dizaines de choses, quoi. Voilà. Quoi, vous avez un site internet où on peut les checker? Bien sûr, chezelle.be, c'est facile. Voilà, ouais. Et quoi, quand on dit maison de Jeanne, ça veut dire que vous avez une agrégation ou bien rien à voir, si tu peux... Parce qu'en fait, pourquoi on se rencontre? On va y aller tout de suite, hein. On se rencontre parce que vous avez reçu un avis du gouvernement comme quoi maintenant, il fallait tracer, donc écrire le nom des gens qui viennent dans la maison de Jeanne. Alors, il y a deux questions, hein. La première, c'est est-ce que vous avez reçu... une agrégation, comment ça se passe une maison de jeunes? Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, j'imagine. On ne peut pas se dire, ah ben voilà, j'ai une maison de jeunes, qui vient, qui veut. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, pas du tout. Donc, une maison de jeunes, c'est une ASBL qui a reçu une agrégation de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'en fait, elle s'occupait de jeunes. Elle rentrait dans un cadre qui, en fait, est le décret jeunesse de 2000-2004. Là, j'ai un souci de mémoire. 2000-2004, il y a un décret jeunesse qui est apparu et donc qui organise en fait ces centres jeunes qui ont cette dénomination maison de jeunes. Et donc, elles ont une espèce de charte, un décret jeunesse. Le public cible, le public visé de ce décret, c'est les 12-26. Donc, ça doit être un lieu ouvert, il doit y avoir un accueil ouvert à tous et à toutes. C'est un lieu où les droits humains sont des valeurs fondatrices. C'est évidemment inscrit dans ce décret. Et il y a aussi une volonté d'éducation à une citoyenneté critique, active, responsable, solidaire. C'est ce que ce décret appelle les CRACS. Et donc, c'est des cracks. c'est super drôle, les cracks. Les cracks, ça croque et ça craque. Et parfois, ça se... Mais oui, comme ces citoyens solidaires et critiques, hein, c'est le fameux C de critique de cracks, eh bien, quand il y a quelque chose qui est une question de société ou bien qui est une question de se dire, tiens, on nous demande quelque chose, comment se positionner, et bien à ce moment-là, il y a effectivement ce... Voilà, les activités sont tournées autour de ce décret. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous a donné ce texte, voilà. Et... ce texte de CRACS. Ce texte, ce décret, où il y a les CRACS dedans, voilà. Okay. C'est vraiment les grandes lignes qui permettent à toute maison de jeunes d'organiser son travail. Et donc, cette organisation, c'est clairement, effectivement, organiser des concerts, des activités qui sont pour et par les jeunes. Donc, c'est vraiment ce que nous, on défend très clairement ici, créer des collectifs qui peuvent porter des projets, qui peuvent viser à l'émancipation des jeunes, qui apportent des valeurs de respect, de tolérance. Amen, on a envie de dire, non ? Alléluia ! Exactement. Et donc, c'est un travail intéressant et justement passionnant parce que ça permet de se positionner dans une société où, il y a des débats d'idées. On parle du féminisme, on parle, les questions de société, le MeToo, c'est quoi le consentement, des choses comme ça. Et la sexualité, justement, avec des jeunes qui sont en recherche. Et donc, ici, c'est un lieu où ils peuvent trouver certaines réponses et ou même parler de ces choses ensemble aussi. Alors, il y a des... Nous, on est animateurs et animatrices, on participe à ces débats, mais on essaie aussi d'amener des gens qui sont experts, j'ai envie de dire, une expertise extérieure, avec des partenariats avec d'autres associations, d'autres ASBL, les plannings familiaux, des artistes reconnus et connus qui peuvent amener, par exemple, un atelier rap avec quelqu'un qui maîtrise, on va dire, il y a ce potentiel qui est ouvert et qui peut être pris et partagé. Voilà, c'est un peu ça. Combien de maisons de jeunes comme ça en Belgique ? En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a 150 en tous les cas qui sont fédérés autour de la Fédération des maisons de jeunes, donc un autre organe qui est un petit peu entre le terrain, j'ai envie de dire, et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est vraiment une fédération, c'est pas non plus un syndicat, mais c'est des gens qui nous donnent de l'expertise quant à des données bureautiques. On a un plan quadriennal à remplir, donc c'est eux qui nous fournissent un peu des outils de compta, de formation, de formation en animation, de formation en coordination, tout un espèce de formation en continu pour aider les animateurs et les animatrices à vraiment, performer, mais comprendre ce qu'est leur travail y coller comme ils peuvent, entre guillemets. Voilà. Beaucoup de jeunes ici qui viennent, plus ou moins, ça gravite quoi, autour de combien de personnes ? Pré-Covid, c'était environ 60 jeunes par semaine qui utilisent le lieu de manière régulière. Ils viennent manger leur sandwich, utilisent la cuisine, se font un thé, papotent, discutent. Il y a une quarantaine, une cinquantaine de jeunes, filles et garçons qui viennent s'entraîner à la danse, qui viennent faire un atelier théâtre, qui viennent répéter dans le local de répète. Et donc environ, une centaine de personnes qui gravitent régulièrement ici autour, quand c'est en pleine activité, plus une fois par mois, une jam de musique improvisée, une fois par mois, une scène session, donc c'est, on ferme toutes les lumières, on calfeutre les vitres, on passe un vinyle dans le noir avec aussi une trentaine, quarantaine de personnes qui viennent écouter dans l'obscurité et ressentir la musique. Pas mal ça comme idée, Ça doit être calme, du coup, alors. On écoute vraiment la musique. Ouais, c'est complètement magique. C'est vraiment quelque chose qui permet de... Il y a le sens de l'ouïe qui est occupé à s'ouvrir pendant l'écoute. Et on plonge. Alors voilà, il y a des voyages intérieurs qui se font. Et on sait combien la musique permet ça. C'est une écoute moins distraite, on va dire. Ouais. Donc il y a du monde, et en plus j'imagine avec le Covid et l'après-Covid, comme il n'y a pas d'école, évidemment les jeunes ont envie de se rassembler, quoi. Ça a dû avoir une grande influence, les maisons de jeunes dans ce quartier. Mais j'ai envie de demander, les gens autour, parce qu'il y a pas mal de maisons autour, c'est l'université là, et puis il y a quand même pas mal de... Ou bien c'est des bureaux, et ça pose pas de soucis ? Alors ici autour, les voisins ont été drillés à nos diffusions et à le fait qu'il y ait des gens régulièrement qui s'attroupent devant la MJ ou bien qui viennent en soirée pour une fête, un concert ou une activité qu'on fait. Donc au niveau du voisinage, il n'y a pas trop de soucis, on est même en bon terme avec l'association des habitants. Mais nos voisins, c'est la police. Voilà, il y a un commissariat. C'est bien ça ou c'est pas bien? Mais à vrai dire, on est en bon terme. Enfin, il y a pas de soucis. Je crois que il y a vraiment ça existe. C'est dans la city, hein. Donc voilà, il y a la police qui est là. C'est les voisins. Ok, ça aurait pu être autre chose, que c'était toujours un voisin. Et l'entente est, on va dire, c'est minimum, c'est cordial et il n'y a pas trop de soucis. Les autres, c'est effectivement, il y a du parking un peu autour, il y a les rails du tram n'existe pas ici à Louvain-la-Neuve, parce que c'est une ville qui a été conçue pour que tout soit à un quart d'heure à pied, de tout. Nous ici, on est à un quart d'heure à pied d'un point le plus loin, vu qu'on est vraiment dans le centre. Donc, ça a été construit autour d'un centre urbain, avec maintenant une grande esplanade avec plein de commerces comme un peu partout dans toutes les belles villes du Brabant wallon. Donc voilà, il y a des évolutions, mais en tous les cas, voilà, ici avec le voisinage, on est quand même pas trop sur la zone densément peuplée non plus de Louvain-la-Neuve. Il y a vraiment tout un pan de Louvain-la-Neuve qui s'est fortement construit ces dernières années et donc qui a amené justement de l'habitant, j'ai envie de dire, des gens qui vivent vraiment la ville. Et bon, alors c'est aussi c'est très peu de logements sociaux, mais voilà, c'est un petit peu le visage de cette ville. C'est quelque chose de un peu fun. C'est, ça se veut être une ville hyper attractive, culturelle. Il y a le cinéma, il y a l'esplanade, donc le centre commercial. Il y a des tonnes de commerces. Moi, je suis déjà venue ici à Louvain-la-Neuve sur le temps de midi. C'est horrible. On voit des files. Beaucoup de gamins, évidemment, parce qu'à l'université, de jeunes, quoi, qui font la file pour tel magasin parce qu'ils font des pâtes, un autre parce qu'ils font des frites, un autre parce que c'est horrible. Enfin, moi, j'ai vu ça de Louvain-la-Neuve, quoi, une ville où t'as que des magasins, que de la restauration, que du snack, que, enfin voilà. Ouais. Mais ça a été un espèce de poumon au départ, vraiment faire nourrir. Les étudiants, quoi. Nourrir les étudiants qui venaient étudier ici, à l'université essentiellement d'abord. Et puis, il y a donc 2-3 écoles, presque 4 en humanité, qui se sont implantées petit à petit. Et puis, il y a des écoles primaires qui ont apparu aussi. Donc, on voit bien, c'est urbanistiquement, ça se développe, on répond à des besoins comme une ville doit être. En essayant de se poser des questions, hein. Parfois on arrive à répondre à ça de manière justement citoyenne et avec vraiment un souci de collectivisation de ce qu'on va implanter comme nouvelle chose. Et puis il y a eu un peu des petits à-coups, hein, donc justement avec l'esplanade qui a été un petit peu boum, elle a débarqué, ça a été des commerces en plus. Les snacks, c'est effectivement, voilà, ça, c'est, on parle là maintenant du deuxième poumon qui est les grandes enseignes de City 2, de tous les centres commerciaux, de tous les halls à commerce, quoi. Elles sont toutes représentées quasi ici. Il y a le choix, hein, comme en fait ça veut dire qu'il n'y a plus le choix vu qu'il y a c'est tous les mêmes partout. Mais et donc voilà, il y a une concertation. Une consultation citoyenne pour l'extension de cette esplanade. Donc c'était encore plus de commerce. Il y avait une phase 4 ou 5 de ce plan d'aménagement pour faire une ville, une vraie ville et une belle ville, et bien attractive avec tous ces commerces. Et là, il y a vraiment le citoyen de Louvain-la-Neuve, le milieu associatif de Louvain-la-Neuve qui s'est dit « Oh, oh, là, je pense qu'on exagère. » Et donc là, il y a vraiment quelque chose. Il y a eu une pétition qui a été mise, des gens qui ont fait un travail de récolte d'avis pour pouvoir avoir, je ne sais plus quel est le pourcentage d'habitants. Donc, il faut un certain pourcentage pour pouvoir réussir à avoir une concertation citoyenne. Et ça a marché ? Ah, effectivement, ça a marché et donc ça a été suspendu. Donc, le plan qui était prévu a dû être révisé. Oui, le plan de l'esplanade, quoi. C'est ça. En fait, elle est quand même là, l'esplanade. Alors, c'est le plan de l'extension. Donc, ça, on est toujours dans... Il y a un projet comme ça, tellement gigantesque, fait en plusieurs phases. Et donc, il y a des phases qui sont acceptées, déposées, mises en route. Et donc, à chaque fois, on va du coup... Ah, ben alors maintenant, on est prêt à faire la deuxième phase, ou la troisième, la quatrième, la cinquième phase, on va dire. Et là, on est arrivé à quelque chose de... Voilà, cette fameuse dalle qui allait recouvrir... les rails du train, des commerces en plus, que beaucoup de commerces, beaucoup moins de verdure, beaucoup moins de... Et on rappelle qu'ici, c'est une commune qui est écolo. Donc, y a aussi cette... C'est dingue, ça. C'est fou que tu dises ça. Enfin, bon, et... Donc, de toute façon, l'esplanade est là. Mais moi, ce que je savais, c'est que des gens ne voulaient pas de cette esplanade. Elle est quand même là. Enfin, après, ça, c'est une autre discussion. Mais venons-en, parce que le temps, il passe. Venons-en à ce traçage des maisons de jeunes. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est arrivé ? Donc, vous recevez via quoi ? La boîte aux lettres, via la boîte mail. Comment ça se passe ? Donc, c'est via la boîte mail. On est en... Oui, voilà, le déconfinement, les phases de déconfinement se passent. Donc, on est dans la deuxième ou la troisième phase. On s'occupe des jeunes. Donc, c'est quoi ? Ça veut dire les clubs de sport pour jeunes, l'ADEPS, les mouvements de jeunesse et les centres jeunes, les organisations jeunes, les maisons de jeunes. Les AMO. Les AMO, exactement. Tous des lieux qui travaillent avec les jeunes et qui font ce... Nous, en l'occurrence, faisons ce travail de socialisation, d'ouverture et ainsi de suite, comme j'ai un peu expliqué. Et donc, on reçoit une circulaire du cabinet de la ministre Glatini, Valérie Glatini, donc, qui est en charge en ce moment. Ministre de la jeunesse ? Alors, ministre de la jeunesse et de l'université. Elle a plusieurs petites hautes casquettes qui sont... Enfin, voilà, c'est sa casquette de ministre. Donc, voilà. Elle est en charge. Elle nous écrit une circulaire en nous disant une lettre qui nous invite à prendre en charge la réouverture et qu'elle nous montre à quel point elle est consciente de ce qui se passe pour les jeunes, de tout ce qu'il y a au niveau du vécu, de réouvrir. C'est quelque chose où on sent que c'est important, que c'est nécessaire et qu'on va faire un bon travail ensemble. Et voilà, il y a quand même... Une pandémie qui est là, un virus. Et donc, on doit faire en sorte que la propagation, les malades n'arrivent plus. Et donc, on a un protocole des réouvertures dans lequel il y a, bien sûr, la distanciation, le port du masque, essayer de ne pas réouvrir. On ne peut pas réouvrir comme avant, vu que l'avant n'existe pas, peut-être plus. Tu veux dire les horaires, là ? Alors, les horaires, c'est pas tant au niveau du nombre d'heures d'ouverture, mais c'est plutôt la jauge de gens qui peut rentrer dans l'AMJ, la jauge de gens qui peut assister aux ateliers, le nombre de personnes qui peuvent faire de la sérigraphie en même temps, parce que le local, c'est un petit peu, je ne vais pas utiliser le mot confiné, mais un petit peu un petit endroit. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui fait que il y a toutes ces mesures. Et puis, dans la liste, il y a l'obligation de tenir un registre de présence. Point. Et donc... Et c'est là que ça devient problématique pour toi, pour vous, pour les maisons de jeunes, parce que j'imagine que tu es... On a oublié de parler de ça aussi. Tu es une équipe, vous êtes plusieurs. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Allons-y, rentrons dans le vif du sujet, quoi. Donc, alors ici, on est 8 mi-temps. Donc, c'est un peu unique en, En Wallonie, on partage la coordination à deux personnes. Donc c'est une co-coordination. On est tous mi-temps, on est 8, j'ai bien expliqué. Il y a une parité, donc il y a le même nombre d'hommes et de femmes dans l'équipe. Et ben voilà, on fait une première réunion pour se dire qu'est-ce qui se passe. On reçoit ce protocole. Qu'est-ce qu'on en pense, simplement nous, en tant qu'animateurs, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on veut travailler. Et ben voilà, premier point, c'est quoi ce protocole, c'est quoi ce point, obligation, ce mot obligation de tenir un registre de présence et rien d'autre, voilà. On oublie de préciser qu'à la base, ça n'existe pas. Les gens viennent, ils ne sont pas fichés, on ne demande pas leur prénom. Il n'y a pas de mandat, comme on dit. Ça veut dire que les gens sont libres de venir ou ne pas venir, en fait. Voilà, exactement. Le seul, j'ai envie de dire, la petite précision qu'on peut dire, que ben, voilà, on propose d'être membre de la Maison de Jeunes. Donc, être membre, ça veut dire quoi? C'est adhérer aux valeurs, c'est connaître le lieu, s'informer, s'intéresser, enfin, voilà, venir à un concert, participer à une activité. C'est une affiliation qui coûte 1,50€ de l'année. Ça donne accès à toutes les activités. Le reste des activités de l'AMJ sont prix libres. Donc, c'est vraiment... c'est aussi un soutien, mais voilà, il y a des détails d'assurance, de machin, et des choses comme ça. Il y a un registre de membres. Ce registre de membres respecte le registre sur les données personnelles, le RGPD. Ça veut dire que c'est utilisé pour même peut-être en interne déjà, mais aussi, voilà, ça nous permet de pouvoir sonder, se dire, ah tiens, est-ce qu'il y a des filles, des garçons qui viennent, combien de personnes viennent par an, parce qu'on est tenu de on va dire, mais voilà, dans nos rapports annuels, pour montrer à quel point la maison fonctionne bien ou moins bien, peut-être, dire, ben voilà, il y a X jeunes. Donc, donner des chiffres, donner des chiffres de fréquentation. De toute façon, oui, l'obligation, c'est comme ça. Et donc, ces registres-là servent à ça. Ils sont conservés ici une année, et puis après, ben voilà, c'est l'année suivante, il y a des autres membres, et puis on n'en parle plus. Ici, c'est donc un registre différent, un autre registre. Ça n'est pas un registre de personnes qui assistent à un atelier, parce que ce registre-là, il est aussi traité en interne, et donc il sert à communiquer sur l'atelier. Il n'est pas un registre tenu en vue de traçage de cas suspects de contamination Covid. Mais voilà, rentrons dans le vif du sujet, excuse-moi, c'est parce que le temps, il avance, hein, parce que sinon, on fait des détours et des machins. Mais oui, mais donc, vous êtes censés, vous, maintenant, les maisons de jeunes, noter le nom des gamins qui viennent, nom, prénom. Comme ça, en fait, si jamais un a eu le corona, ou même vous, adultes, on s'est tracé. Voilà, c'est le tracing, le fameux tracing. Ça s'appelle, en français, on dit le traçage, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas justifié, ça? Comment vous vous êtes positionné? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord, et assez rapidement, demandé des renseignements et des spécifications sur ce registre, ce fameux registre, tenir un registre de présence. OK, qu'est-ce qu'on écrit dedans? À qui il va être adressé? Pourquoi il est tenu? En vue du traçage, on comprend, mais voilà, est-ce qu'on va devoir le communiquer à quelqu'un? Qui est cette personne? Comment elle va traiter les informations? Toujours en rapport à ces fameuses lois sur le RGPD, le registre de données personnelles des gens. Qu'est-ce qu'on fait des données personnelles des gens en 2020? Comment les données personnelles sont traitées? Et quand on demande de remplir un registre, il faut expliquer à quoi il va servir, comment les données vont être gardées. Enfin voilà, on est confronté à ça peut-être 3 fois par jour si on va sur Internet. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent alors quand vous demandez plus de détails sur ce fameux registre? Alors, les détails ne viennent pas du tout. Donc cette lettre, elle est donnée à des maisons de jeunes en leur demandant, est-ce que vous Comment est-ce que vous voyez aussi l'application de cette chose, de ce fameux registre? Comment on ouvre le débat au niveau local avec les maisons de jeunes de Brabant-Wallon? On adresse ce mail à la FMJ aussi pour un petit peu comprendre quelle est leur position. Et on l'adresse bien sûr, là d'où il vient, au cabinet de la ministre. On n'a pas de réponse du cabinet de la ministre. On n'a pas beaucoup de réponses. Pas de réponse. Pas de réponse comment, pourquoi, je ne sais pas. Ça fait combien de temps que vous avez envoyé la lettre? Donc, on va dire que ça, il y a effectivement une phase. C'est le premier secouage de Cocotier. À ce moment-là, il y a la Fédération des maisons de jeunes qui prend un relais, qui centralise plein de questions autour de ce fameux protocole. Donc, les distances, c'est quoi, le machin, le registre. On sent obligation, donc réponse, certainement et clairement maladroite. Voilà, si une personne ne veut pas remplir ce registre, il faut couper tout contact avec cette personne. Qui dit ça? La Fédération des maisons de jeunes. Le FAC, la foire aux questions. Dans la foire aux questions, on peut lire ça noir sur blanc. On est un peu choqués par cette histoire. Mais donc, c'est la fédération qui soutient les maisons de jeunes, qui prend cette position, quoi. Alors, c'est pas une position, c'est une interprétation d'effectivement un texte qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, comment interpréter obligation de tenir? Obligation, ça veut dire si on ne veut pas, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Et donc, effectivement, on a bien cette sensation de se dire, si quelqu'un ne veut pas le remplir, on ne peut pas lui donner accès. Donc, on ne peut pas lui donner accès à la maison de jeunes. Voilà, aux activités, à ce qui se passe ici et compagnie. Et donc, la réponse de la Fédération des maisons de jeunes a un certain sens, mais on n'est pas d'accord. Et peut-être que même eux, c'est une application, c'est une formulation. Ils répondent à des questions, ils ont aussi lu le protocole comme nous. Et voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça que ça veut dire. Et la Fédération de maisons de jeunes, nous dit, oui, on a des soucis avec ce protocole, on est en pourparlers avec le cabinet, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a la réalité des centres de jeunes et des organisations de jeunes on est conscient qu'il faut remettre ça en route, mais pas à n'importe quel prix. Qu'il faut remettre ça en route, c'est-à-dire les associations de jeunes, qu'il faut réouvrir après le corona, c'est ça, rouvrir et redonner accès à des gens qui ont été coupés socialement, quoi. Et on voit à quel point il y a des retentissements là-dedans. Donc à ce moment-là, il y a en fait tout s'embraye rapidement, du coup, parce que là on a toujours pas. Donc, on a aussi le détail de se dire, c'est un registre qui va être donné en cas de suspicion Covid aux organes de traçage national. Donc là, très vite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on estime quelque chose en équipe avec des jeunes, avec notre CA, qui est constitué à un tiers de jeunes. Donc voilà. On va voir un avocat. Parce qu'on veut savoir, en fait, on a une sensation, ça dépasse toute une série de textes qui font loi, donc notamment les droits humains, notamment le RGPD. On a envie de savoir d'avoir un avis d'expert, voilà, comme on fait un peu pour tout ce qu'on aborde ici régulièrement. Et donc, on va voir cet avocat, on téléphone à la Ligue des droits humains, on contacte aussi. Grâce à la Ligue des droits humains, le comité de vigilance du travail social. Et effectivement, on a des réponses en disant, voilà, ok, on entend, le protocole vient de là, il se veut cadre pour réorganiser les ouvertures de centres de jeunes, mais effectivement, il y a quelque chose au niveau des données personnelles et au niveau de la discrimination, parce que quand tu n'es pas une maison de jeunes, que tu es simplement une ASBL, qui fait le même travail que nous, et Dieu sait s'il y en a, et qui font du chouette travail, mais ils ne sont pas soumis à ce protocole. Donc chez eux, il n'y a pas besoin du registre. Et chez nous, on est subsidié, on est reconnu, on est fédéré. Ah bon, mais ça c'est important que tu dises. Et j'ai entendu aussi que les scouts, toutes les mouvements de jeunesse. Hein. On a appris un peu avant les vacances que ça y est, les jeunes pourront quand même faire leur camp, leur fameux camp. Pas de traçage non plus. T'es au courant de ça ? Je sais. Ouais. J'ai entendu parler de ça. Mais donc vraiment, c'est ça qui est important aussi de comprendre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire alors ça ? Ouais. Des fois oui, des fois non. Voilà. Pourquoi ? Mais en fait, c'est la question qu'on pose. Quand on exprime qu'il y a discrimination, qu'on va avoir un avocat qui nous dit « oui, il faut écarter la norme ». Ça veut dire qu'on met une norme pour un endroit et la norme, elle n'est pas mise pour tout le monde. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit l'avocat ? Vous posez sûrement la question. Pourquoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Ah, parce que des décisions sont peut-être prises rapidement ou qu'il y a une bonne volonté. Il y a voilà, cette manière de cadrer un petit peu parce que voilà, il faut faire confiance aussi. Il faut faire confiance. Est-ce que la confiance était là au niveau du déconfinement petit à petit comme ça en se disant est-ce qu'on va bien faire ce travail de distanciation ? Est-ce que ça ne va pas devenir des lieux clusters de super contamination ? On sait que les jeunes asymptomatiques ou porteurs mais pas enfin vont dans leur famille après. Ça c'est les messages qu'on distille et qu'on envoie. On peut être conscient de ça, on est responsable, on a des lois, on a des règles, on est soumis à un décret, on prend notre travail pas à la légère, quoi. Et donc effectivement, qu'est-ce qui se passe avec en équipe avec le CA ici, on décide d'écrire une lettre ouverte à la ministre qui explique notre point de vue et qui en fait propose donc un traçage, donc un registre. J'ai plus clair encore, c'est en fait, sur base volontaire, le traçage est fait pour tout citoyen belge. Donc, ça veut dire que à l'heure actuelle, encore maintenant, je peux contacter la WIP, l'organe de traçage régional, si j'ai envie d'être aidée dans la communication à mes proches et aux personnes à qui j'étais en contact, je peux me faire aider. Et c'est sur base volontaire. C'est marrant le mot « je peux me faire aider ». Quoi, ça veut dire quoi ? Si je comprends ce que tu dis, tu peux t'inscrire sur un registre. Alors, n'importe qui, en fait, pas simplement les jeunes, tout le monde peut s'inscrire sur un registre pour voir... la suite du corona, tracé, pas tracé, c'est ça que tu expliques ? En fait, ici, c'est vraiment... j'ai été en contact... Non, je suis porteuse du corona. Je vais directement au moment où je le sais. Je vais aller me faire tester. Je sais si c'est ça ou pas. Je vais me dire... je vais faire la liste de tous les gens que j'ai vus depuis une semaine. Donc, je le fais seule. J'essaie de pas oublier personne. Tu le fais seul, ça veut dire quoi ? Que tu t'es pas sur un, t'es pas tracé, t'as pas une t'es pas pucé quoi, en gros, pour qu'on comprenne, parce que sinon tu le fais de bonne volonté, tu vois, c'est ça. C'est effectivement de ça qu'on parle depuis le début et toujours, quoi, la bonne volonté de se protéger, de garder ses distances, de porter un masque, la bonne volonté de faire cet effort, de se dire qui j'ai vu et qui je peux prévenir moi. Parce que je suis citoyenne et parce que je suis responsable, je vais prévenir les gens que j'ai vus, pas seulement avec qui je suis restée, pas ceux de ma bulle, mais aussi d'autres gens qu'on a pu croiser ou des amis qu'on croise et qui ne font pas partie de notre bulle et qu'on se dit « ah ben oui, ça fait comme un petit peu comme quand on était au magasin ». Voilà. Je croyais qu'on était forcé une fois que tu as le corona. Moi, je ne me suis pas plus renseignée, hein, parce que voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Mais en même temps, bon, est-ce que c'est forcé, une fois que tu as le corona, d'être tracé, en fait ? Il me semble que oui. Ça se met automatiquement en route. Est-ce que tu peux dire non ? Alors, c'est la base volontaire. Ça veut dire que, de nouveau, moi je vois ça comme la WIP qui est là. Elle va aider les gens, ça a été présenté comme ça, elle va aider les gens à faire des listes de proches Et il y a tout un protocole aussi. On commence par son amoureux, son amoureuse, ses enfants, les voisins, sa bulle, c'est où sa bulle avec de contact. Et puis après, ça va un petit peu. Ah oui, mais il y a quand même. J'ai fait ces fameux petits moments d'égarement. Ah oui, mais j'ai vu quelqu'un en plus. Mais voilà, je suis responsable. Je sais que je sais que j'ai vu quelqu'un. Je vais à tout hasard contacter un max de gens. Moi, je contacte un max de gens. Et donc, voilà. Ça veut dire que c'est ma liste. Ça veut dire soit je la fais seule, soit je la fais avec la WIP. Et donc, la WIP va elle-même téléphoner à tous ces gens. Et donc, tous ces gens vont être contactés, vont dire, voilà, vous avez été en contact avec une personne qui a été positive. Et donc, maintenant, vous devez... soit aller à un centre de tri, donc faire un premier tri de voir si tu as développé des symptômes ou pas. Tester, quoi. Tester, voilà. Un tri, un test, un test, les premiers tests. Donc, c'est aussi au niveau des provinces que ça se fait. Puis alors, il y a les hôpitaux qui font vraiment du testing pour les gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital, quoi. Mais donc, voilà, ça, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, nous... dans ce cas-là, nous tous, Belges et habitants de la Belgique, on fait ça sur base volontaire. Je peux le faire moi-même, seul, me faire aider de mon compagnon ou ma compagne, mais je peux aussi me dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je vais à la WIP et voilà. Et donc ici, à la maison de jeunes, quand on nous dit qu'on est obligé de donner notre registre à la WIP, on se dit que ce n'est pas possible, qu'on doit aussi être capable et de le faire nous en interne, bon, c'est une liste de jeunes qui sont venus ici, et ben on est tout à fait capable de les contacter, de leur dire tiens, on est au courant d'un cas, voilà, 2 jours plus tard ou 1 semaine plus tard, tu étais là, ça veut peut-être rien dire, mais il faut être prudent et peut-être aller se faire tester dans un centre de tri. Pas à l'hôpital, courir à l'hôpital directement, mais vraiment, il y a des endroits, ça se passe à l'extérieur, sous tente. C'est des petits tests qui vont assez rapidement et qui permettent aussi d'arrêter la progression du virus. Mais si je comprends bien, alors, il y a cette manière dont tu viens d'expliquer qui est simplement, ben voilà, on est humain, il n'y a pas besoin, en fait, d'être tracé. C'est ça que vous pointez, vous. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une banque de données, les noms et prénoms. C'est ça, en fait, que vous pointez. Mais rentrons aussi dans... C'est quoi le problème? Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais enfin, c'est très bien ce traçage des gens qui ont la maladie ou pas. Au moins, ça permet de réguler cette sale histoire. Vous dites quoi par rapport à ça? Parce que c'est quoi le problème dans le fond? On l'a pas encore vraiment ciblé. Ok, on veut pas être. Vous voulez pas mettre les prénoms et noms des jeunes sur un traçage avec les données, parce qu'il faudrait un peu plus... Tu comprends ce que je veux dire? Il faudrait un peu plus rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le problème? Parce que monsieur, madame qui vous écoute, il dit, mais enfin, pourquoi ils sont là? C'est quoi le problème? En fait, moi, j'ai la sensation qu'il y a 2 sources. Il y a une source qui est que, ça, en fait, ça empêche de faire de la conscientisation, de la responsabilisation solidaire, critique, engagée, responsable, active, citoyenne. Les cracks, ça veut dire que si j'oblige quelqu'un à faire quelque chose, je ne le mets pas en route. Pourquoi ou comment je fais les choses? À quoi ça sert? Donc je l'oblige. Si je l'oblige, il va le faire. C'est le seul moyen pour qu'il rentre, c'est faire ça. Ok, c'est pas grand chose, c'est mon nom sur un papier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je le fais? Ah oui, c'est parce qu'on veut être solidaire. Ah oui, c'est parce qu'on veut que ça s'arrête. Ah oui, c'est parce qu'on veut pas. On veut participer à ne pas contaminer les gens. Et donc tout ça, c'est des valeurs. Donc à partir du moment où on ne permet pas cette réflexion, et ben voilà, le fait de devoir écrire son nom quand on dit c'est obligatoire, ou bien quand on dit tiens, en fait, on va faire ça. On nous a proposé de faire ça par décret ou plutôt par protocole. on sait pourquoi on le fait. Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant. Ouais, je vais le faire. Et ah oui, nous, on va aussi pouvoir dire, on va garder ça ici en interne et on ne va pas le donner à qui que ce soit d'autre. On a aussi, nous, une conscience du respect individuel et des libertés individuelles. Donc, si quelqu'un ne veut pas le faire, il peut décider pourquoi il le fait. Il peut avoir aussi venir avec un débat d'idées, venir avec ses peurs, ses angoisses aussi. Ça me fait me sentir bizarre de devoir écrire mon nom partout. Pourquoi? Quel est un lieu d'accueil où on peut sentir que ici peut-être que on te laissera pas le faire. Je sais que tu es venu, je vais te contacter, mais si tu n'as pas envie d'écrire parce que ça te fait mal et que ça te fait souffrir, eh ben tu peux le faire aussi. Mais quoi, l'idée que vous défendez, c'est parce que c'est obligé, donc vous êtes contre cette idée que ce soit obligé. J'entends bien toutes les valeurs que vous défendez, mais il y a aussi, moi j'ai envie de tout de suite, mais t'en as un peu parlé, j'ai aussi envie d'un peu parler de toute cette banque de données, tout ce traçage en fait qui fait que tout ça devient un business aussi au niveau économique mais politique, ça travaille ensemble, on parle très peu de ça en fait, hein, sous couvert de protection de la maladie, tu vois, je trouve qu'on aborde très peu ce sujet. Moi, je le mets sur la table, mais peut-être t'es pas plus au courant que ça aussi. Je trouve qu'on mélange bien les deux, comme ça, c'est un peu confus parce qu'on a envie de dire, mais oui, faisons tout bien avec la modernité qui nous aide. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Tu vois. Mais en fait, ça, pour moi, c'est le deuxième axe. C'est vraiment, voilà, les grandes questions sur le règlement, donc sur les données privées, on peut commencer dans la polémique à savoir comment ont été mis en place ces centres de traçage, comment ils sont gérés, par qui ça a été instauré, des choses comme ça. Voilà, il y a une controverse autour de ça en ce moment. On en parle très peu, mais on estime que c'est ça qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis? Mais on estime que c'est ça qu'il faut faire, le traçage? Oui, c'est ça. On estime que c'est ça qu'il faut mettre en place, que c'est ça qu'il faut faire, aider les gens. Et donc, mais en même temps, la bonne idée d'aider les gens, mais en fait, le retour de manivelle, il est où? Et il vient quand? Donc, j'ai entendu des experts qui parlaient que ces données pouvaient ou potentiellement, si une loi allait passer, allait pouvoir être gardée 30 ans. 30 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire à quoi ça sert dans 30 ans? Moi, j'ai envie de pouvoir expliquer ça à des jeunes qui viennent ici et qui remplissent ce registre. Alors, si je suis obligée de leur donner... On parle de ça, c'est de la conscience citoyenne, mais c'est la conscience au niveau des lois, au niveau de comment fonctionne un État, comment fonctionne une démocratie, et comment cette démocratie, on peut voir que tout d'un coup on réduit des libertés, ou bien qu'on les chiffonne un petit peu, et alors à ce moment-là, ben voilà, on s'insurge, on est occupé à dire on n'est pas d'accord, ça fait vite rebelle, mais en fait le débat il est clairement là, hein, et ça je veux dire, il n'y a pas de rebelle là-dedans, quoi. Clairement le débat il est clairement là, c'est-à-dire, resitue-le. Eh ben voilà, c'est les données privées des gens, et combien de temps elles sont gardées, à quoi elles vont servir. On fait oui, mais ici c'est la crise maintenant du Covid, on n'est pas à plus tard. Ok, mais réponds à ma question. Tu ne sais pas répondre à ma question. Et en fait, quand on ne sait pas répondre à une question, on n'oblige pas les gens à faire quelque chose. Ça, c'est la conscience citoyenne. C'est justement dit, c'est vrai, on n'oblige pas les gens à faire quelque chose dont on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et on en parle très peu. Je me trompe ou on en parle très peu? Toi qui es dans le milieu, tu t'es peut-être renseigné, tu as peut-être fait des recherches. On en parle peu, quoi. Bah oui, complètement. On parle peu des impacts que les choses vont avoir. On parle peu... De ces données, parce que c'est ça que je dis. On parle peu de ces données, de ces... Moi, j'entendais hier un reportage qui rappelait aussi le Cambridge Analytica... je recommence. Le Cambridge Analytica de Facebook. Tu te souviens? Non, mais c'est un truc énorme. Hein. Et on s'excuse après. Enfin, voilà, on se défend comme on peut. Quand quelqu'un dit « Ah oui, je m'excuse d'avoir donné des données privées à des gens et je ne le ferai plus » et qu'il est vraiment contrit qui est presque harakiri devant une cour suprême, ça suffit. Mais en même temps, les choses ont été faites. Un président a été élu, par exemple. Voilà. C'est ça qui s'est passé, non ? Donc, qu'est-ce que là, j'ai pas suivi. Un président a été élu. De qui tu parles ? Mais là, en gros, on parle de toutes les papers qu'il y a eu avec les données privées de certaines personnes, des identités qui se sont retrouvées à voter ou à donner ou à influencer, parce que là on en était là, influencer des votes. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. En fait, je ne serais pas tout redire, mais ce n'est pas anodin de ce qu'on parle. Hein. Il ne faut pas croire. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Je vais résumer, mais l'idée que tes données personnelles, tu n'as rien à cacher, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de... Maintenant, on peut voir avec les données personnelles comment tu es influencé par quelque chose et comment on va te faire voter pour quelque chose et comment on va te faire consommer pour quelque chose. Enfin, c'est très grave ce qui se passe. Et donc, je comprends votre position d'être contre ce registre qui oblige de faire du traçage avec le nom des jeunes. Mais autre question... Les autres jeunes se les autres maisons de jeunes se mobilisent aussi, ou bien c'est un peu vous qui menez la danse? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement fort de la part de toutes ces maisons de jeunes? Et quand je parle maisons de jeunes, c'est associations, c'est AMO. Voilà, comment ça se passe dans ton milieu, dans votre milieu? Mais en fait, on a donc des maisons de jeunes, des AMO, des assos qui sont sensibilisés ou sensibles aux valeurs de société et qui sont déjà peut-être actives vraiment à ces niveaux. Directement, on a un soutien, on a, oui, il se passe quelque chose, on a quelque chose de vraiment conscient au niveau de, voilà, on est à vos côtés. On sent que ça touche à ça, à ce fameux ça, les données. Qu'est-ce qu'on fait avec nos données, les data, les machins? On ne sait pas où ça va mener, mais c'est de la vigilance. Donc, on est ensemble sur cette vigilance et donc on milite pour qu'on enlève à nos endroits, à chacun des maisons de jeunes, ce petit poids qui peut être enlevé parce que derrière, il y a la proposition de le faire en interne, sur base volontaire, comme tout le monde. Donc, c'est pas mettre tout à la poubelle, vraiment pas. Et donc, voilà, ça, c'est le soutien. Il y a des gens, des citoyens qui réfléchissent en même temps, qui voient un slogan sur une fenêtre ou bien quand on les interpelle pour signer notre lettre ouverte pour lui donner du poids. On peut avoir des petits débats, des petits débats d'idées, des gens qui adhèrent, qui militent, qui s'interrogent et qui se disent « je vais signer ça parce que ça a du sens ». Ils comprennent ce que vous dites Oui, complètement, complètement. Et ceux qui sont rétifs, c'est vraiment des gens qui disent « mais non, le traçage est important, c'est pour stopper la maladie ». Le traçage, non, communiquer le fait qu'on ait le Covid assez proche, ou qu'on est à risque, ça c'est important. Le traçage en lui-même, donner ces données, donner ces informations, ça c'est pas nécessaire, c'est vraiment pas nécessaire. Parce qu'il y a des risques. Et en fait, on multiplie les risques partout, et donc du coup, comme ils sont multipliés, ils sont présents partout, donc on s'y habitue. Et donc c'est cette manière de s'habituer à des choses qu'on nous demande, et ben voilà, c'est là où la vigilance, elle diminue, et puis à un moment donné, on en vient à cette société dans laquelle on est, qui fonctionne avec, comme tu l'as dit, des algorithmes, qui me proposent des publicités parce que j'ai fait une recherche ciblée, et ainsi de suite. Et donc, se battre contre ça, quand c'est devenu tellement présent, c'est comme si c'était « Ah, c'est trop tard !» Et donc, bon, voilà, ici on parle de données simplement personnelles qui vont être utilisées par un État, et l'État, normalement, c'est bienveillant. Donc voilà, maintenant, les glissements, je ne sais pas où ils apparaissent, et peut-être où ils apparaîtront, mais la vigilance fait qu'il faut faire attention avant qu'ils n'arrivent, et pas après, parce que ça, ce sera trop tard. Voilà. Allez, il reste 2-3 minutes. Et Qu'est-ce qu'il en est alors avec cette circulaire? Où ça en est? Donc, vous avez renvoyé à la ministre une réponse par rapport à vos questionnements. Il n'y a pas eu de réponse, c'est ça? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc, alors, aujourd'hui, on a... Après combien de temps on est combien de temps après cette lettre envoyée à tous ces gens qui travaillent avec les jeunes? Donc, c'est protocole du 20 mai. Deuxième protocole pour le mois de juillet, donc les vacances. Donc on a eu un protocole 20 mai jusque fin juin. Et puis un deuxième protocole qui arrive juillet-août. Et un troisième qui est en route et qui est prévu pour septembre. Nous, on a eu une réponse il y a trois jours. Il y a une semaine avec une entrevue vidéoconférence il y a trois jours avec un membre du cabinet de la ministre en charge qui voulait qu'on lui explique notre position qui a été expliquée explicitement et formulée par courrier il y a un mois et demi ou quasi, allez, un mois on va dire. Et donc... Donc maintenant, il demande. Il y a eu un laps de temps entre notre communication et le deuxième protocole qui n'a pas servi à écouter ou à entendre nos demandes, ni même une réflexion ou une discussion amenée. Quoi, ils ont fait comme si ça n'existe pas tout ce que vous renvoyez, en fait. C'est énorme, déjà, ça. Mais peut-être qu'ils ont fait des choses à l'intérieur de leur cabinet, mais en tous les cas, nous, on n'a pas été au courant. Et donc, c'est là où on a mis notre action en route de manière vraiment journalière. Et du coup, voilà, il y a finalement quelque chose qui vient et qui nous dit, voilà, il reste encore un mois d'été. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut changer d'ici là. On nous explique quand même que ça met trois semaines pour faire un protocole, donner formuler les choses pour que ce soit en adéquation avec tout le secteur, les AMO, les centres de jeunes, centres ADEPS et toutes ces choses-là. Mais on nous dit que probablement pour le mois de septembre, ça va être pris en compte. Donc on attend, là, à l'heure actuelle, une réponse à notre proposition, si elle est acceptable, si elle est acceptée, voilà, auquel cas on aurait un nouvel avis du cabinet qui dit voilà, l'obligation du registre, c'est vraiment un registre qui est spécifié en vue de contacter les gens en cas de suspicion Covid, qui va être géré en interne et qui où ça suffirait. Donc à ce moment-là, on réouvre avec tout ce protocole auquel on peut adhérer. Et si on n'a pas de nouvelles de ça, on a décidé de réouvrir en tenant notre registre en interne, comme on l'a proposé. Et donc ça s'appelle de la désobéissance civile. J'adore comment tu prends le chemin pour le dire. Génial. Bon, Isabelle, c'est la fin, c'est comme ça. Est-ce que... Enfin, moi, ça me fait plaisir. Il y a des gens, et je sais, sur Internet, sur le réseau social, moi, j'aime bien le regarder, même si des fois, je trouve que c'est un vrai contre-pouvoir, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup du... J'ai entendu récemment que c'était de l'actu fast-food, en fait. Hein. C'est vrai, et en même temps, c'est pas vrai. Et en même temps, on peut voir aussi un peu monsieur, madame, tout le monde qui pense. Et je suis impressionnée de voir à quel point les gens se tirent dans les lattes. Masque, pas masque, attention, sacrilège. Et des gens, soi-disant de gauche, progressistes, c'est hallucinant de voir ce mélange, quoi. Moi, par rapport à ça, je voulais dire que ça me fait du bien des gens qui pensent, quoi. Tu vois ? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Des gens qui pensent, quoi. Ils sont pas là, c'est bien, c'est pas bien. On est conscient qu'il y a une maladie, qu'elle est là. On sait pas tout parce que, voilà, c'est un peu une communication un peu bizarre où on connaît pas toutes les donnes. Voilà. Mais ça nous empêche pas de penser. Et je trouve que ça fait plaisir d'être en face de gens qui continuent à penser. Oui, mais on peut pas considérer que tout est blanc ou noir, hein. Donc du coup, penser c'est quelque chose qu'on sait tous faire, Alors, il y a des gens qui sont plus habitués à ça. Il y a des lieux où on essaye de mettre ça au centre. Maintenant en vrai, il y a quelque chose aussi... j'ai envie de dire, oui, il y a plein de... En fait, le respect, je pense, des avis des autres, c'est quelque chose qui est important à mettre aussi au centre. On est différents. Les réseaux sociaux, des choses comme... Enfin, voilà, les réseaux sociaux sont des choses où ça a été de plus en plus vite pour se fracasser, comme tu dis, se latter. Et tiens, vas-y, que je tac et je coupe et je cisaille. Et en fait, ça nous met des distances. On est cisaillé, on est morcelé, on est plus que des bouts de viande ou des bouts d'idées qu'il faut hurler et gueuler sur tous les toits. Et en fait, ça permet pas de se rapprocher. Ça permet pas de se dire on peut être dans un même collectif, avoir une idée qui est un petit peu différente, un petit peu avec deux trois petits bémols, mais être capable d'être dans un collectif. Et ça veut dire que ça fait un sens. Ça fait un sens pour l'individu de faire partie d'un groupe. Ça fait partie de choses qui aident à se remettre à réfléchir et de pas se dire j'ai besoin de formuler mon avis le plus agressivement, dans cette espèce de tension en fait qui est montée de plus en plus au niveau des réseaux sociaux. À la base, c'était sympa. On s'appelait, on disait n'importe quoi. Ah, t'es où? Hein, moi, je suis là. Et toi, t'es... Ah, c'est super. Et maintenant, c'est devenu... je dois dire mon avis. Je dois faire des vues. Je dois faire du truc. Possible, quoi. C'est même pas faire des vues. Non. C'est que c'est devenu, avec cette histoire de Covid, surtout, tu vois. Gens, j'en ai une qui m'a fait rire. Hein. C'est quelqu'un qui se photographie dans un magasin sans masque. Et il fait, je ne sais plus comment, mais agressivement, « Tenez, je vous emmerde tous, regardez. » C'est n'importe quoi, on est vraiment passé... Enfin bon, allez, dernier mot sur tout ça. Qu'est-ce que tu auras envie de dire que tu n'as pas dit et que je ne t'ai pas sollicité tu peux, libre à toi de terminer sur les mots que tu veux. Moi, j'ai envie de dire qu'on est fin juillet, tu me tiens au courant, comme ça, quand on diffusera l'émission à la rentrée, il y aura peut-être des nouvelles, quoi. Ah ben oui, complètement. En tous les cas, ben moi, ce que j'espère, c'est que les choses rentrent dans un certain ordre, dans une certaine norme, et pas une norme déformée après Covid, mais une norme rationnelle, et qu'en fait, on cesse de jouer avec les peurs des gens, avec les peurs, quoi. La peur, c'est mauvais. On peut se méfier, mais avoir peur, c'est vraiment quelque chose. Et alors, comment ne pas avoir peur? Ben, en s'unissant, peut-être, voilà. Quand on est un peu seul, c'est compliqué. Je pense ça, en fait, réellement. Voilà, c'est juste ça que je n'ai pas dit, je crois. C'est que, voilà, on est occupé à créer des peurs et à aussi, en même temps qu'on crée les peurs... créer un rapport de pouvoir en disant « Mais n'ayez pas peur, je suis là. » Et donc, il y a quelque chose là-dessus qui... La vigilance s'impose, voilà. Merci à toi. Merci beaucoup.